L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par L'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bienvenue pour cette émission du mercredi 11 mars 2015 sur l'antenne de RGB, votre radio locale. Nos invités du jour, Jean-Joël Le Chaplin, directeur de l'Apostrophe, pour nous présenter le week-end El Warsha à l'affiche les 20 et 21 mars. Arnaud Meunier, metteur en scène pour le spectacle Chapitre de la Chute à l'affiche les 25 et 26 mars prochains. Il est également directeur de la Comédie de Saint-Étienne, Centre Dramatique National. Pour nous présenter les prochaines rencontres interscolaires des arts, Melting Pot de 2015, nos invités seront Karine Fay, enseignante, Elodie Segui, artiste et intervenante chargée du cours d'art dramatique ado, Ludovic Lechat, élève au lycée Kessler à Cergy, et enfin Aline Polo, responsable du pôle scolaire et collectivité à l'Apostrophe. Nous partagerons également les impressions des élèves du cours d'art dramatique qui nous feront un retour sur les armoires normandes interprétées par les Chiens de Navarre, spectacle qui a été présenté à l'Apostrophe les 11 et 12 février dernier. En fin d'émission, nous vous proposons la première partie du feuilleton Chantier 2014-2018 de François Verret, artiste en résidence à l'Apostrophe. L'Apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Arnaud Meunier, vous êtes le metteur en scène de la pièce qui sera prochainement à l'affiche à l'Apostrophe, Théâtre des Louvrets à Pontoise, la pièce qui s'intitule « Chapitre de la chute, saga des Lehman Brothers ». Juste avant de parler de cette pièce, dire que vous dirigez la Comédie de Saint-Étienne et je crois que cette pièce a été créée à Saint-Étienne. Tout à fait, oui. Elle a été créée l'année dernière, en octobre 2013 maintenant, voilà, la saison dernière. Chapitre de la chute, saga des Lehman Brothers, je me dis tiens, ça me rappelle quelques mauvais souvenirs dans les actualités internationales qui remontent, si on a bonne mémoire, en 2008. Il s'agit tout bien de fait. Cela. Oui, il s'agit de la banque Lehman Brothers, effectivement, que la plupart des Français ne connaissaient pas avant qu'on en entende parler au moment de sa chute, de sa faillite, sa banqueroute exactement. Puisque c'est le point déclencheur de la crise économique dans laquelle nous pataugeons toujours presque 7 ans plus tard. Une pièce que vous avez donc mise en scène en 3 volets, on peut même parler d'un feuilleton en 3 épisodes et un entracte. Oui, bah, c'est l'originalité de cette pièce, c'est un jeune auteur italien qui s'appelle Stefano Massini, et qui écrit vraiment un théâtre récit qui est un théâtre épique, puisque plutôt que de raconter l'histoire de la banque et de sa chute à proprement parler, il raconte l'histoire de la famille, donc de la famille Lehman qui arrive aux États-Unis au milieu du 19e siècle, 1848, les 3 frères juifs allemands, bavarois, qui arrivent au fin fond de l'Alabama pour ouvrir une boutique de tissus, et comment par les hasards de la vie, les rebondissements et puis les chances et coïncidences qui vont se produire, de cette boutique de tissus au fin fond de l'Alabama, on va fonder une banque à New York et construire un empire. Et ce qui est assez passionnant, c'est qu'effectivement, c'est pour ça qu'on l'a appelé saga des Lehman Brothers, c'est qu'on va traverser 200 ans de capitalisme américain et 3 générations de Lehman, et donc à travers eux aussi, retraverser toute l'histoire du capitalisme, puisqu'on va passer d'un capitalisme très concret, très basique, où il s'agit de vendre des tissus au départ, puis du coton, puis du charbon, etc., à un capitalisme qui, lui, va se transformer jusqu'à l'arrivée de la finance et des traders à la fin du XXe siècle. Et c'est à travers l'histoire d'une famille qu'on va vivre ça. Donc c'est comme un feuilleton, effectivement, en 3 épisodes. On enchaîne les 2 premiers, on fait une pause et on se voit le 3e. Chaque épisode dure environ 1 heure. Donc c'est comme ça que ça avance comme une série télévisée d'une certaine manière. Alors ce qui est aussi la force de ce travail, c'est que cette pièce est composée comme un véritable polar, et tout bon polar qui se respecte ménage un minimum de suspense. Là, vous dites, comme pour Titanic, les spectateurs viendront découvrir cette pièce en connaissant la fin. Oui, bah, c'est vrai que la comparaison est importante. Pour moi, quand j'ai découvert la pièce de Stefano Massini, j'avais l'intuition qu'il fallait le jouer en une seule soirée tout de suite, parce que c'est la métaphore de Titanic qui est exacte, c'est-à-dire que je me suis dit, on part pas du film une fois que l'iceberg arrive, et puis on se dit, on revient demain pour voir la suite. Donc, effectivement, quand on vient voir la pièce, on sait que la banque a coulé, donc ça, on le sait depuis le départ. Et c'est là où c'est passionnant, c'est que la pièce ne s'attache pas tant à montrer ce qui va se passer sur les derniers jours au moment de la banqueroute, mais plutôt de remonter le temps et de nous faire suivre, effectivement, comme un polar, parce que il y a un suspense, on est tenu en haleine par le récit, par ce qu'il se raconte. Et puis, il y a beaucoup de gourmandise aussi à redécouvrir cette histoire-là. Et là, on retrouve les origines italiennes de Stefano Massini. C'est un auteur qui a l'art de savoir raconter des histoires à la manière des conteurs. Et ça, c'était important aussi pour moi que les comédiens se trouvent dans cette position-là d'acteurs-narrateurs, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'à la fois, ils incarnent chacun un des lémanes et en même temps, ils font avancer et progresser l'histoire à la manière d'une troupe joyeuse et vitale d'une certaine manière. Parce que c'est ça que je trouvais assez formidable, c'est qu'on est en général perdu face aux choses économiques et financières, c'est souvent compliqué, c'est souvent très technique. Or là, on nous raconte l'histoire d'une famille, donc c'est très concret, très humanisé, et c'est en ce sens-là que la pièce est passionnante et elle nous embarque. Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, je crois, depuis qu'on joue la pièce, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Et ça, effectivement, c'est ce qu'on cherchait depuis le début du travail. Alors, ce qui est original dans le processus de création, c'est que vous avez rencontré l'auteur, Stefano Massini, quand vous avez découvert le premier volume de cette histoire, et vous lui avez commandé l'écriture des deux autres parties, car il avait déjà, à l'origine, envisagé une trilogie. Oui, il savait qu'il voulait raconter ça en trois pièces, mais on savait qu'en Italie, la situation est bien pire que chez nous, donc les auteurs vivent difficilement de leur travail. Donc quand je suis allé le voir, il n'avait écrit que la première pièce, mais quand on s'est rencontrés, il avait une sorte de plan, on va dire. Il avait d'un côté l'arbre généalogique des Lehman Brothers, il savait exactement quels étaient les personnages auxquels il allait s'intéresser, et puis il avait la chronologie à côté des grandes dates de la famille et de la banque, et il savait comment il allait avancer. Mais donc c'était sur plan, on va dire. Et donc moi, je l'ai incité à accélérer le mouvement en lui passant en commande de la suite de la pièce pour qu'on puisse aboutir à une création des trois épisodes dans la même soirée. Voilà. Après, en répétition, nous, on s'est débrouillé pour que, effectivement, grosso modo, chaque épisode fasse une heure et qu'on puisse tout voir en une seule soirée. Là, c'est intéressant de noter que là, le spectacle vient juste d'être créé au Piccolo Teatro à Milan, dans une mise en scène de Luca Ronconi, qui lui est dans une version intégrale, si j'ose dire, c'est-à-dire où il n'a pas pratiqué les coupes que nous avons pratiquées, et donc lui, il est carrément à presque 6 heures de spectacle. Si on en revient à l'écrit, donc vous qualifiez l'auteur Stefano Massini d'obsessionnel du détail. Je disais au début de notre échange que le suspense, on connaît déjà la fin, donc on peut être un petit peu étonné. Et en même temps, ce feuilleton en trois parties, il y a quand même l'art du suspense qui retient le spectateur. Complètement. Enfin, le suspense est au cœur. C'est-à-dire que je pense que Massini a cet art, comme cette jeune génération d'auteurs italiens, comme Fausto Paravidino, qu'on connaît de plus en plus en France aussi, ou Ascanio Celestini. C'est toute une génération de jeunes auteurs que moi j'appelle des post-pasoliniens. C'est-à-dire qu'ils inventent un théâtre qui est à la fois politique et poétique. C'est-à-dire qu'il raconte le monde d'aujourd'hui dans une forme qui reste très théâtrale, très et très poétique, parce que aussi avec beaucoup d'images. C'est-à-dire que dans l'histoire des Lehman Brothers, par exemple, plus on va avancer dans la pièce, et plus le troisième volume, par exemple, est bourré de références mythologiques, de références bibliques. On fait allusion à Noé, on fait allusion à Jonas et sa baleine. Ils ont une manière de raconter des histoires qui fait qu'en tant que spectateur, on est à la fois comme un enfant à qui on raconte une histoire. Donc il y a quelque chose qui fonctionne de l'ordre du plaisir, on va dire. Voilà. Et cette manière aussi de trouver les rebondissements et de trouver toujours, comment c'est toujours une sorte de petite coïncidence qui fait basculer tout un destin. Hein, comment est-ce que c'est le premier incendie dans les plantations de la ville de Montgomery où ils sont en Alabama qui fait que la plantation ne peut plus payer le magasin et qu'ils ont l'idée de se faire payer en coton brut. Et qu'en se faisant payer en coton brut, ils inventent un nouveau métier qui est celui d'intermédiaire, celui de grossiste, et qu'ils vont revendre ensuite ce coton brut à des industriels du nord des États-Unis. Et comment c'est simplement un point de détail qui permet de tout basculer. Et ça, c'est très jouissif, on va dire, voilà, dans la manière de traverser la pièce. Alors, traverser, puisqu'en effet, cette pièce se développe sur plusieurs générations et met en scène deux siècles du capitalisme américain, donc c'est pas simplement l'histoire qui s'est arrêtée en 2008. Ah non, pas du tout, au contraire, encore une fois, si les gens veulent uniquement voir, entre guillemets, la chute, il vaut mieux regarder au cinéma Margin Call, qui traite que de ça, on va dire, de quelques jours où tout d'un coup la banque s'effondre, alors que là, l'idée c'est vraiment de traverser 200 ans et de s'attacher à l'histoire de cette famille. Moi, c'est ça qui m'a passionné dans le projet. Parce qu'effectivement, moi j'avais l'idée qu'il fallait, comme on part sur une vraie saga, une vraie aventure, il fallait trouver des surprises, il fallait de quoi renouveler l'écoute du spectateur. Donc on a inventé le fait que la scénographie puisse être évolutive, le fait que les comédiens aussi vont changer au fur et à mesure du spectacle. La première pièce se raconte avec les trois frères historiques, et puis ensuite on va voir arriver les fils, et puis le petit-fils dans la dernière pièce. Je laisse quelques surprises pour ne pas dévoiler toutes les... Enfin, on a inventé une manière, on va dire, de tenir le spectateur en haleine. Et même si vous êtes une bille en économie, vous pouvez absolument suivre la pièce, ça, je vous le garantis. Avec effectivement tout ce qu'on peut imaginer en termes d'intrigue dans une telle saga, dans une telle histoire familiale. On parle même de success story à l'américaine, mais qui a mis un système qui a fini par la fin à échapper à ses créateurs. C'est un peu ça l'histoire. C'est-à-dire que ce qui est passionnant aussi, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que je pense qu'on les aime beaucoup, ces trois premiers frères qui sont des émigrés basiques, et on s'attache à eux. On est finalement d'une certaine manière assez content de voir comment ils progressent, comment ils prospèrent, etc. Et c'est dès la deuxième pièce où la question de l'équilibre, la question de jusqu'où on peut aller, et quelle est la limite de ce système-là va commencer à se poser. Et donc la pièce en creux, au fur et à mesure, finit par poser toutes les questions qui sont essentielles, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que c'est qu'une banque, à quoi ça sert, etc. Et donc la pièce finit par nous emmener sur toutes ces questions-là. Et ce qui est assez beau, c'est que plutôt que d'être dans une sorte de pièce frontale dénonciatrice, elle fonctionne en creux et sur toutes les questions essentielles de, effectivement, qu'est-ce que c'est que l'économie, qu'est-ce que c'est qu'une banque, et on est embarqué là-dedans presque malgré nous. Et c'est ça que je trouve assez puissant dans la pièce, c'est que la pièce ne dénonce pas, elle montre. Et ça, je pense que dans un monde qui se complexifie, on a besoin de ça. Moi, je déteste le théâtre à thèse personnellement. Je trouve que, je pense que c'est beaucoup plus intéressant un théâtre et des œuvres qui posent questions, plutôt que de celles qui apportent des réponses toutes faites. Et là, chez ce jeune auteur italien, il y a vraiment quelque chose de tout à fait passionnant dans la manière dont il nous interroge sur tout ça. Dernier point, ces acteurs, c'est des acteurs conteurs, même vous dites, puisque c'est un théâtre fondé sur le plaisir de l'oralité. Ils assument vraiment l'épaisseur des personnages, en tout cas la presse s'en est fait l'écho. Vous avez choisi de très bons acteurs. Ça, c'était essentiel parce que, si vous voulez, quand vous lisez la pièce au départ, d'ailleurs ça a été toute la difficulté pour monter le projet, c'est que pas grand monde n'y croyait, puisque c'est écrit presque comme un roman, ce n'est pas découpé en scène, ce n'est pas découpé en dialogue, c'est un récit, et ce récit est pris en charge par des acteurs. Donc il fallait être extrêmement inventif de manière à le faire vivre, ce récit, de manière à ce que ce ne soit pas uniquement des gens debout qui parlent, mais qu'on puisse inventer quand même du jeu au plateau. Donc oui, il y a une très belle troupe de six comédiens, multigénérationnel d'ailleurs, parce que ça va du plus jeune qui doit être Martin Kipfer au plus mûr, on va dire, qui est Serge Maggiani, que peut-être une partie des spectateurs ont déjà vu. Et puis ça a effectivement été une belle histoire collective, puisque le spectacle joue maintenant depuis deux saisons. On va retourner encore la saison prochaine. On a reçu le Grand Prix de la Critique l'année dernière et une nomination au Molière dans la catégorie du meilleur spectacle du théâtre public. Ça a été effectivement une belle aventure, un peu inattendue pour un auteur qui était inconnu et pour une pièce dont le sujet n'apparaissait pas immédiatement comme étant c'est pas quand même une pièce populaire, alors que finalement, depuis qu'on la joue et qu'on la tourne, ce qui est assez extraordinaire, c'est que finalement, c'est assez rare d'avoir une pièce qui est capable de fédérer autant de spectateurs de genres différents et qui aiment des théâtres différents. Je pense qu'effectivement, on a là un théâtre réellement populaire avec un sujet qui, moi, me paraît essentiel aujourd'hui. Un grand merci à vous, Arnaud Meunier. Je rappelle que la pièce sera à l'affiche à l'apostrophe Théâtre des Louvrets à Pontoise le mercredi 25 mars à 20h30 et le jeudi 26 mars à 19h30. Et comme il a été dit, véritable feuilleton en 3 épisodes avec un entracte. Il faut compter 3 bonnes heures de spectacle. Avec l'entracte, ça fait 3h30, oui, c'est ça, exactement. Un grand merci à vous. Souffle saccadé, voilà qui laisse deviner que tout se décide, tout se décide. Maquillé comme à la crête, tout détonné, tout me plaît, les mains sont livides, vides. Mains sont livides, vides. Le sol de tes poignets est tatoué, défiguré par ta manche. Le lion ne sourit qu'à moitié, âme solitude immense. Ton visage ne sera jamais sentier, comme tu regardes au dehors. J'emporte un portrait dévoré, tout leur destin bord à bord. Kiss my station, kiss my station. And if you say just one word, I'll stay with you. Kiss my station, kiss my station. Patience comme certitude, collier à trois fils, liés à trois fils, fils. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, que tu respires, pire. L'ordinaire, cette ville n'offre rien qu'une poignée d'odeurs tenaces. Que cette ville est morte, je sais bien. Toi seul garde de l'audace, il faudrait que tu la portes loin. Alors que d'autres renoncent, je descends deux enfers plus loin pour que l'orage s'annonce. Kiss my station, kiss my station. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Prochainement, à l'affiche. Avec Jean-Joël Le Chaplin, le directeur de l'apostrophe, nous allons parler du week-end El Warsha qui aura lieu les 20 mars au Théâtre des Louvrets à Pontoise et le 21 mars au Théâtre des Arts à Cergy, centre de théâtre, une manière de rappeler que l'apostrophe, c'est deux théâtres avec une scène nationale sur Cergy-Pontoise et le Val d'Oise. Jean-Joël Le Chaplin, week-end El Warsha. On va peut-être, avant de rentrer dans le programme lui-même, parler de la compagnie El Warsha, une troupe, puisque c'est plutôt comme ça qu'il s'appelle, une troupe composée à Cergy-Pontoise, je crois qu'ils seront une douzaine. Oui, en fait, ils seront même davantage que cela, puisque comme c'est la fin de la tournée française, les trois artistes qui seront avec nous le samedi, les artistes de Zaboya, rejoindront le groupe d'El Warsha la veille. Voilà, donc en fait, exceptionnellement, et pour la première fois de la tournée, il y aura 15 artistes égyptiens dans ce spectacle qui s'appelle Les Nuits El Warsha. Alors, donc la compagnie, c'est une compagnie qui est dirigée par un artiste qui s'appelle Hassan Guéretli. Alors, Hassan Guéretli, beaucoup de gens le connaissent sans le savoir, probablement, puisque c'est quelqu'un qui a travaillé avec Chahine sur... Youssef Chahine, le cinéaste. Youssef Chahine, le cinéaste, oui, sur le film sur... le film sur Bonaparte, hein, Adieu Bonaparte, et sur l'autre film qui est Le Sixième Jour. Donc c'était un collaborateur de Youssef Chahine. C'est quelqu'un qui a fait des études en Angleterre, qui a travaillé en France, qui a écrit plusieurs thèses et qui est un homme tout à fait cultivé, polyglotte, qui est donc évidemment égyptien d'origine et qui, depuis les années 90, a développé au Caire on pourrait dire un théâtre, j'hésite sur le mot théâtre dans la mesure où les activités qu'il propose se déroulent dans un appartement, dans un grand appartement, mais un appartement, et qu'il a aménagé plus ou moins un théâtre, mais c'est un tout petit lieu, et c'est surtout un lieu de rencontre des intellectuels, des artistes, autour des thématiques de la vie égyptienne. Alors, cette activité était mise en route par Hassan Guéretli bien avant les événements de 2011, hein, la révolution de l'hiver 2011. Mais évidemment, elle a pris un accent un petit peu plus fort et un petit peu plus remarquable depuis lors, puisque c'est en fait un endroit dans lequel des paroles un peu différentes s'expriment aujourd'hui. Et donc cette troupe, en fait, est ouverte à beaucoup de monde. C'est pas une conception à l'occidentale ou à la française dans laquelle on restreindrait plutôt les pratiquants pour rechercher une excellence de forme et de fond. Là, c'est plutôt le lieu de rencontre, un débat d'idées, et puis c'est la place où beaucoup d'intellectuels Kérot se retrouve pour parler de leur réalité, mais qui n'est pas, enfin de la réalité notamment depuis la Révolution, mais qui n'est pas du tout dans ces contrées dissociées du point d'ancrage avec l'histoire, avec le patrimoine et avec l'histoire, comment dirais-je, humaine et intellectuelle de l'Égypte. Alors, Les Nuits El Ouarcha, c'est un cabaret urbain, mais en même temps, c'est un petit peu au Caire la réunion de toute l'Égypte, c'est-à-dire à la fois l'Égypte très traditionnelle comme l'Égypte moderne, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Alors, bon, il y a un très beau livre qui s'appelle La Geste Hilalienne, hein, qui est une espèce de d'ouvrage qui est un ouvrage multiséculaire et qui parle en fait de l'histoire de ce pays. Et donc le cabaret essaye de rendre compte de la multiplicité de ces réalités. C'est un peu comme si aujourd'hui, en France, on voulait monter des projets qui associeraient des chanteurs d'aujourd'hui avec des inspirations plus folkloriques ou des thématiques ou des chansons populaires ou des pratiques populaires, etc. Donc on est véritablement dans ce laboratoire, ce creuset dans lequel les gens se rencontrent et expérimentent la parole adressée aux autres. Donc ça a un côté, j'allais dire, bricolé, entre guillemets, qui n'est pas... En ce sens que ça n'est pas un objet fini, formé, qui est le même tous les soirs. Il est nourri tous les jours. C'est ça, à tel point que chaque saison, les nuits se transforment, le répertoire est sans cesse reconfiguré, car pour eux, le cabaret capte l'air du temps. Exactement. Ça veut dire qu'il doit s'adapter, réactualiser. Exactement, donc c'est en fait une porte ouverte à l'expression de ceux qui le souhaitent, alors avec un minimum de forme, tout de même. Hein. Nous avons là affaire à des gens qui sont des intellectuels, des poètes, des comédiens, des danseurs, des auteurs dramatiques. Enfin, ce qui fait le panel de la vie artistique et de l'observation du monde, hein, par les artistes en Égypte comme ici. Mais cette forme-là est en effet tout à fait particulière. Elle a été présentée l'été dernier à Avignon, et donc la présentation que nous allons avoir le 20, nous, sera évidemment très différente de ce qui a pu être présenté à Avignon pour les raisons qu'on évoque. Alors, on précise, c'est vrai, quand je dis entre tradition et modernité, c'est un raccourci car le répertoire part de l'époque médiévale jusqu'à l'époque d'aujourd'hui. En passant par le music hall, ce Kerot qui était célébré dans le monde entier pendant plusieurs décennies, jusqu'au chant de résistance, chanson ouvrière, témoignage d'aujourd'hui, chanson d'amour. Oui, il y a en effet tout cela dans ce cabaret. Et évidemment, on a peut-être des difficultés à aborder intellectuellement un projet comme celui-ci, mais il faut voir que la. Cette cité du Caire qui représente le poumon de l'Égypte, puisque c'est là où se trouve la majorité de la population et le centre intellectuel du pays est à cet endroit. Et c'est un bouillonnement d'idées qui fait que aujourd'hui encore, dans les événements que l'on connaît, et où pour certains Kérotes et Égyptiens, il apparaît qu'on revient finalement à une situation qui est encore plus figé que sous le régime de l'actuel dirigeant que sous le précédent, n'empêche que cette population qui est extrêmement jeune, donc la moyenne d'âge doit être autour de 26 ans, je crois, extrêmement jeune, donc est animée d'une volonté de transformation qui laisse ouvert beaucoup de choses. Et donc, il y a cette dynamique et qui ne peut pas s'empêcher, malgré tout, d'être rattaché à une tradition forte qui fait que le passé et le présent se rencontrent dans ces soirées. Et c'est dans la culture locale, ce point de relation avec le passé est absolument consubstantiel de leur propre culture, en effet. Pour la forme, des comédiens, chanteurs, danseurs, en effet. Oui. C'est un spectacle qu'on pourrait qualifier de protéiforme au niveau, effectivement, des disciplines artistiques que l'on peut retrouver. C'est à l'affiche à l'apostrophe Théâtre des Louvrais le vendredi 20 mars à 20h30. Je parlais d'un week-end, El Ouarcha. On continue le lendemain sous une autre forme et peut-être pour se fixer plus sur une période plus contemporaine. On a parlé, vous avez parlé, Jean-Joël Le Chapelain, des événements de 2011. C'est pour faire court, c'est tout cet idéal, cette liberté qui s'est vécue sur le monde, sur la planète entière, au-delà de la place Tahrir, c'est bien ça? Oui, c'est ce qu'on appelle évidemment en Occident les printemps arabes. Alors, on est assez mal placé ici pour apprécier l'engagement que peuvent avoir les citoyens par rapport à leur prise en main réelle de changement. Mais ce que l'on peut constater, c'est que cette place Tahrir, qui est d'ailleurs une place assez assez mal fichue, si je puis dire, puisque elle est beaucoup traversée par des voies de circulation, par des routes, parce que c'est un grand nœud routier au sein du Caire, mais elle est quand même assez grande, et on se souvient que en 2011, en janvier-février 2011, elle était occupée pendant des semaines et des semaines par toute la population qui s'était installée ici pendant longtemps pour arriver à faire changer le régime. Alors, on sait ce qu'il est advenu par la suite, mais ce printemps arabe ou ce printemps égyptien, il couvre encore aujourd'hui, même s'il y a une main de fer du régime qui empêche les expressions très libres. Parce qu'il faut savoir quand même qu'après la Révolution, la répression qui a suivi a fait plus de 1000 morts recensés. Et donc, j'y étais, moi, il y a quelques temps. Il y a encore des manifestations qui ont lieu il y a quelques... Il y a quelques semaines, dans lesquelles il y a même un jeune homme qu'on devait rencontrer de 18 ans qui s'est pris une balle en pleine tête au cours d'une manifestation. Donc, ça traduit le climat quand même. Ce moment de grande liberté qui a été partagé, effectivement, tant par les Égyptiens que par médias interposés par le monde entier, c'est une période de 18 jours. Voilà, oui, janvier, février, oui. Qui va être raconté dans la deuxième soirée, Zawaya, témoignage de la révolution. Et là, pour le coup, la troupe El Ouarcha a fait appel à un jeune écrivain. Oui, enfin, elle a fait appel à un jeune écrivain qui a réécrit ou qui a mis en forme des textes qui viennent de la population elle-même, hein, puisque ce sont des témoignages qui ont été rassemblés par Shadi Hatef, qui, en fait, raconte par le prisme de narration individuelle, raconte ce qu'ont vécu un certain nombre de familles ou de personnes dans le cadre de cette révolution. Alors c'est ponctué de moments musicaux aux arbres, et puis il y a là quelques comédiens qui racontent cette histoire. Et c'est tout à fait poignant, puisque on est véritablement au cœur de la vie des gens, et on y est en outre dans les deux spectacles, d'ailleurs dans une proximité avec la langue arabe. C'est pas si fréquent que dans nos contrées, sur les scènes de théâtre, on rencontre cette langue, et en même temps on est tout près de l'événement, puisque en 2011, c'était il y a 3 ans, 4 ans, et que on est véritablement saisi, comme on pouvait l'être sur d'autres registres, quand Ariane Nouchkine racontait 1789, où elle plaçait le point de vue du narrateur au cœur de la population. C'était des gens ordinaires qui racontaient ce qui leur était arrivé. On est exactement dans ce même schéma, et c'est tout à fait poignant, et en même temps c'est une œuvre d'un poète, puisque ce sont des textes qui ont été réécrits et qui sont tout à fait audibles à plus d'un titre, y compris sur la forme. C'est une invitation à réfléchir, ai-je lu, sur les différentes façons d'être impliqué dans une révolution. Il a évidemment dû prendre quelques figures un peu emblématiques pour nous inviter à méditer ces différents récits. Et c'est au Théâtre Ce Désert à Cergy-Centre le samedi 21 mars à 20h30, avec une journée un peu particulière ce jour-là, puisque je vous en profiterai à l'apostrophe, en avant-première, de présenter le cycle Théâtre et Politique, qui aura lieu donc présenté dans le même lieu, mais cette fois-ci à 18h30. Un mot rapide sur Théâtre et Politique. Alors Théâtre et Politique, c'est un événement que la scène nationale porte depuis plusieurs années. Il nous a semblé qu'il était important d'aborder, d'accoler ces deux termes et de permettre à ceux qui se saisissent de ces questions politiques par le moyen du théâtre, eh bien de le rendre assez lisible. Ce rendez-vous a lieu au mois de mai depuis plusieurs années maintenant. Et donc là, en effet, nous annoncerons le programme, nous ferons une petite soirée de lancement, un moment de lancement de ce calendrier quelques mois avant, pour mobiliser l'intérêt des spectateurs, évidemment. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler dans cette émission tout particulièrement. Un grand merci, Jean-Joël Le Chapelain. À la prochaine émission, certainement. Merci beaucoup. John Henry was a little baby sitting on his papa's knees. Well, he picked up a hammer and a little piece of steel. Sir, this hammer's gonna be the death of me. This hammer's gonna be the death of me. Hammer's gonna be the death of me. Hammer's gonna be the death of me. John Henry said to his captain, now a man ain't nothing but a man. Before I let your steel drill bring me down, I will die with that hammer in my, I'll die with that hammer in my hand. I'll die with that hammer in my hand. I'll die with that hammer in my hand. John Henry said to his shaker, now shaker, why don't you sing? I'm shaking 12 pounds from my hip on down. L'action culturelle. Aline Polo, responsable pôle scolaire et collectivité à l'apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise. Aline, une petite présentation sommaire, eh bien, de cette actualité Melting Pot qui se déroulera du 31 mars au 2 avril prochain à l'apostrophe. De quoi s'agit-il ? Bonjour, donc en fait il s'agit d'un temps fort, un rassemblement de l'ensemble des dispositifs d'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire à l'apostrophe Théâtre des Louvrais à Pontoise, où donc on propose à tous les élèves, enseignants et artistes qui sont en atelier avec nous d'échanger et de partager 3 jours d'atelier et de pratiques artistiques ensemble. Un événement festif, dois-je comprendre ? Alors oui, c'est festif parce que l'on est très nombreux et parce que la rencontre crée l'émulation et l'énergie, mais c'est avant tout un acte artistique qu'on pose avec les élèves, les artistes et les enseignants pour rendre visible et lisible tous ces dispositifs d'éducation artistique et culturelle qui sont essentiels et malgré tout en danger. Parmi ces artistes, car qui dit rencontre interscolaire des arts, il faut à la fois des élèves, il faut des enseignants, mais également des artistes intervenants. Je crois qu'ils sont une vingtaine pour cette édition 2015. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Parmi lesquels ? Parmi lesquels, il y a donc Élodie Segui, comédienne, metteur en scène et artiste intervenant sur les Melting Pots. Alors c'est une performance pour tous les artistes intervenants sur cette initiative. On travaille autrement le rapport au théâtre avec de jeunes artistes en formation, jeunes artistes en herbe. Oui, bonjour. Oui, c'est surtout l'occasion pour nous d'expérimenter une création dans un temps très court. C'est-à-dire que souvent, quand on travaille en tant que metteur en scène, on est sur du temps long. Et là, la possibilité que ça nous donne en tant que metteur en scène, c'est effectivement de faire des créations sur un temps très court et sur l'éphémère et sur l'endroit de la rencontre et du partage avec les jeunes. Donc, on reçoit par exemple une vingtaine de jeunes et on doit tout de suite créer une forme à partir d'un thème. Donc on doit être très réactif et surtout être très à l'écoute de ce que eux nous renvoient, de ce que le jeune a à proposer, parce qu'on fait vraiment en fonction d'eux. C'est-à-dire qu'on fait vraiment en fonction, on n'a pas le temps effectivement de travailler forcément du texte, donc on fait en fonction de leur personnalité et d'un groupe qu'on essaye de créer. Donc c'est ça aussi qui est très chouette, c'est le défi de créer un groupe en très peu de temps, de créer un groupe qui est capable de travailler ensemble. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de travailler sur le collectif et sur ce moment de partage. Moment de partage, mais en même temps, s'il y aura une finalité, une présentation devant un vrai public. Tout à fait. Donc c'est là où le défi est intéressant, c'est qu'il faut faire quelque chose de qualité, qui soit montrable et qui effectivement puisse être partagé avec le public sur des choses qui sont en lien. Nous, on essaye, enfin moi j'essaye particulièrement de rester en lien avec leur quotidien, avec ce qu'ils ont à traverser en tant que jeunes. Voilà. On parle bien d'une création, parce que de fait ça devient une création quand c'est présenté au public, dans un temps très court pour mettre en scène l'ensemble, sous toutes ses formes, avec des approches confondues, c'est uniquement le théâtre ou d'autres disciplines artistiques qui sont sollicitées ? Alors, il y a le théâtre et la danse. Voilà, je pense que c'est tout Aline, hein. On est d'accord, il y a le théâtre et la danse. Et justement c'est ça qui est intéressant, c'est que nous aussi on rencontre, moi étant metteur en scène de théâtre, on peut rencontrer des chorégraphes, donc on reçoit aussi des élèves qui eux sont dans des ateliers de danse, donc ça permet aussi de faire des formes où on peut effectivement mêler danse et théâtre, ce qui est très intéressant pour nous et pour les jeunes aussi qui se rendent compte qu'il y a d'autres disciplines et que chaque discipline se nourrit l'une l'autre. Est-ce que ce type de rencontre peut révéler de vrais talents qui pourront peut-être, au-delà de ces rencontres, poursuivre, s'engager davantage dans une ou l'autre de ces disciplines artistiques ? Bah écoutez, je le souhaite. En tous les cas, on passe toujours par des moments, effectivement, d'émotions où tout d'un coup, il y a un jeune qui révèle quelque chose, qui peut exprimer. C'est aussi un endroit où ils peuvent exprimer des choses qu'ils n'ont peut-être pas toujours la possibilité d'exprimer, parce que là, il y a l'urgence de la représentation. Il y a l'urgence de dire quelque chose face à un public. Donc effectivement, il y a des moments de révélation à l'intérieur de ces melting pots. J'ai cru comprendre, Aline, que l'éducation artistique et culturelle en milieu scolaire, c'est une action permanente, à l'apostrophe. C'est même une action essentielle qui n'est pas toujours visible du grand public. Oui, exactement. Donc c'est un des axes principaux que défend l'apostrophe en tant que scène nationale et donc Jean-Joël Le Chaplin, directeur au sein de son projet. Et Et nous, on essaie de le rendre visible au sein de nos plaquettes et de nos brochures et sur notre site internet. Mais ce qui se passe dans les établissements scolaires n'est pas forcément visible du tout public. Et donc, à un moment donné, de les accueillir au sein du théâtre et sur le plateau, c'est cette possibilité pour chaque spectateur ou toute personne habitant sur l'agglomération et au-delà de venir rencontrer ces pratiques. On va demander à Karine de prendre votre place pour eh bien, nous donner son point de vue d'enseignante, car si ces rencontres scolaires ou interscolaires des arts existent, c'est qu'il faut aussi le partenariat, voire plus que cela, la participation active des enseignants. Donc peut-être avant de nous dire comment vous intervenez les uns les autres dans ce type de rencontre, quelle est l'importance pour tous les enseignants qui participent à ces rencontres de cet événement pour, quel est l'intérêt pour vous et pour vos élèves? Bonjour, d'abord, c'est simple, je vais rebondir sur deux mots. Il y avait partage, il y a révélation. Révélation presque au sens photographique d'ailleurs, puisqu'on est vraiment dans quelque chose qui va émerger dans cette urgence dont parlait Élodie, et cette urgence de l'acte créateur, et ce qui émerge, cette forme-là qui va naître, va permettre pour les uns et les autres d'être dans une... voilà, cette révélation de ce qu'est ce contact avec l'art, cette révélation pour nous déjà enseignants d'un partenariat qui est ici, qui vraiment ici prend tout son sens au regard des moyens exceptionnels que nous propose l'apostrophe par rapport aux petits moyens qu'on a chacun ensuite dans nos établissements. Ça prend sens par rapport aux artistes, au contact que nous avons avec les artistes aussi, de rencontres, de partage de découvertes, et ça va prendre sens par rapport à nos élèves avec qui nous travaillons, qui d'un seul coup, étant confrontés aux autres, étant confrontés à d'autres formes artistiques, vont de fait se révéler, et pour nous par la suite, dans notre travail, quand on revient dans notre établissement scolaire et dans notre structure fermée, il y a l'avant et l'après. C'est très net. Ce qui se passe dans ce condensé, ce qui se passe dans ce partage et cette révélation, pour moi ce sont vraiment trois mots-clés, vont conduire à une vision différente de nos pratiques et ô combien précieuse. Ça veut dire même aussi des conséquences autres que sur le plan de l'expression artistique de chacun, de chacune ? Absolument, c'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine. Donc la question ne se pose même plus. C'est-à-dire que si là, on est dans ce condensé, les répercussions, elles sont évidentes. Et cette aventure humaine va se jouer aussi au sein des uns et des autres par rapport à ce qu'ils peuvent vivre à l'intérieur d'eux et ce qu'ils vont pouvoir communiquer. Et c'est une source d'enrichissement indéniable. Merci Karine Fay, vous êtes donc l'une des enseignantes qui participait à cette action culturelle, rencontre interscolaire des arts. On va demander à Ludovic, c'est bien de se trouver place près de moi. Il est élève de terminale au lycée Alfred Kessler à Cergy. C'est la première fois que vous allez participer à ces rencontres interscolaires ou pas ? Non, ce ne sera pas la première fois, ce sera la cinquième fois que je vais participer au Melting Pot. Alors vous avez déjà une sacrée belle expérience à nous communiquer. Comment vous avez vécu justement les précédentes années, les précédentes rencontres ? C'était toujours une joie de venir, c'était très euphorique à l'idée de participer, donc j'en suis encore euphorique à l'idée d'y participer encore cette année. Est-ce que chez vous, ça a révélé, parce qu'on parlait de révélateur tout à l'heure, est-ce que ça a révélé un goût particulier pour une expression artistique, le théâtre ou la danse? Ou est-ce que vous aviez déjà ça en vous avant de participer aux toutes premières rencontres? Clairement, j'avais envie de découvrir le théâtre, mais quand j'ai découvert les Melting Pots, c'est vrai que ça a été une révélation pour moi. Au niveau du théâtre comme de la danse, hein, j'ai envie de continuer le théâtre. Bon, la danse, c'était un peu plus difficile, mais j'en ai envie. Et du coup, oui, c'est vrai que ça a été une façon de voir différemment l'art, et puis une envie de continuer l'art, et puis du coup, même de m'engager professionnellement dans cette voie-là. Est-ce que ça a des conséquences aussi sur le reste de votre scolarité? Est-ce que c'est, vous êtes plus à l'aise pour vous exprimer en public? Est-ce que vous avez plus d'estime de vous? Est-ce que vous êtes plus tolérant en participant à des rencontres comme celle-ci? Oui, oui, c'est vrai que ça apporte toutes ces choses-là. Ça apporte la façon de voir les gens aussi. C'est une expérience humaine, comme disait Karine. Et du coup, c'est vrai qu'on voit les gens différemment. Après, on se rend compte qu'on n'est pas si égoïste qu'on peut le penser. Et puis, quand on voit en fait ce melting pot, c'est vrai qu'on est des potes en fait en arrivant là-bas. Quand on y ressort, on se rend compte que les gens peuvent être avoir du contact avec tout le monde. Et puis... J'ajouterais aussi que du coup ça m'a permis de voir aussi, de rencontrer, d'être plus tolérant par rapport à l'art aussi. J'ai été beaucoup plus ouvert par rapport à ce que racontait l'art. Avant cette expérience-là, j'en avais pas vraiment le goût, l'expérience, je pouvais pas vraiment parler. Et là aujourd'hui, je me rends compte que c'est vrai que c'est extrêmement varié et puis ça n'a pas de limite. Donc c'est vraiment toujours passionnant de découvrir l'art maintenant. Ça attise la curiosité, c'est plutôt une bonne chose pour avancer dans la vie. Ah oui, absolument, oui, oui. Le rapport avec les encadrants artistes, ils sont forcément, en si peu de temps, très exigeants, non? Ah non, pas du tout. Alors non, au contraire, justement, ils sont beaucoup, beaucoup plus ouverts, je trouve. Ils sont très à l'écoute, effectivement, comme disait Elodie. Et puis, ce qui est très intéressant aussi dans le fait de participer au Melting Pot plusieurs fois, c'est de découvrir en fait les façons de travailler. Ils n'ont pas vraiment le même rapport à l'art. Et nous, en tant qu'élèves, on le ressent vraiment dans leurs conditions, dans leur rapport aux élèves, qui est jamais du tout autoritaire, hein, toujours très, très ouvert. Et donc, c'est très intéressant de sortir du cadre scolaire avec un metteur en scène qu'on voit ou un comédien qu'on voit tout quotidiennement pendant l'année. Là, on va sortir de ce cadre avec une vision du théâtre. On va découvrir d'autres metteurs en scène, d'autres chorégraphes, des danseurs qui vont nous donner un autre langage de cet art. Merci Ludovic, il est passionné déjà, c'est passionnant, c'est aussi l'intérêt de ces rencontres. Dernier mot pour Elodie, j'ai cru comprendre que comme les éditions précédentes, il y avait un thème imposé. On va le découvrir quand ce thème, vous ne le savez même pas vous-même. Alors c'est donc Aline qui va nous le dire. Oui, alors en fait, justement pour se prémunir de trop de préparation en amont, on choisit tous ensemble collégialement 5 thèmes, dont celui qui sera le lauréat du Melting Pot 2015 sera tiré au sort le mardi matin, donc le premier jour des Melting Pots. Et donc cette année, les 5 thèmes en lice sont la main, l'inattendu, sidération, racine et le dernier, résistance. Merci Karine, voilà. Eh bien, de quoi alimenter l'esprit créatif de chacun et de chacune, et en même temps de travailler collectivement. C'est bien ça aussi, Elodie. Oui, tout à fait. Moi, j'étais très touchée par le témoignage de, excuse-moi, de Ludovic. Voilà, parce qu'effectivement, quand il dit ça permet aussi d'avoir une autre vision de l'art, je trouve que tout d'un coup, pour nous, c'est très important en tant qu'artiste de rencontrer le public et de rencontrer les gens avec qui on peut, de créer ensemble, en fait. C'est vraiment très important qu'il n'y ait pas d'un côté les artistes, de l'autre côté les jeunes qu'on a en atelier, et ça c'est extraordinaire, mais de tout d'un coup de réunir tout le monde, et puis aussi il y a les parents qui viennent, il y a les familles qui viennent le soir, et ça c'est vraiment, c'est extraordinaire pour nous de pouvoir être dans cet échange et de partager autour de nos disciplines. Je trouve ça vraiment une vraie chance que propose la scène nationale de l'apostrophe. Merci à chacun, à chacune. Juste un rappel, c'est du 31 mars au 2 avril prochain à l'apostrophe au Théâtre des Louvrets à Pontoise, donc le grand théâtre, la grande scène, ce qui mettra une pression supplémentaire pour ceux et celles qui vont s'y produire, parce qu'il faut un petit peu entretenir le trac aussi. Et cette année, il y a 2 représentations publiques, le 1er et 2 avril à 18h pour chacune de ces séances. Et c'est ouvert au public en général aussi. Tout le public est le bienvenu et ce sont des soirées en entrée libre. Il suffit juste d'appeler pour réserver sa place. Occasion aussi de vérifier que la jeunesse est pleine de vitalité et d'effervescence, dit-on, contrairement aux images rétro répandues dans notre société. Merci à tous et à toutes. L'action culturelle. Les élèves du cours d'art dramatique nous livrent leurs impressions en retour du spectacle Les Armoires Normandes, interprété par les Chiens de Navarre, spectacle qui, je vous le rappelle, a été présenté à l'apostrophe les 11 et 12 février derniers. Élodie, oui, j'ai vu le spectacle Les Armoires Normandes. En fait, j'ai trouvé que c'était un spectacle inégal, en fait. J'ai beaucoup apprécié la mise en scène, notamment du début. Voilà, je trouvais que c'était culotté, assez intéressant, original. Voilà, cette idée du Christ que j'ai trouvé très, très intéressant et j'ai regretté de ne pas le retrouver dans d'autres séquences. Après, quand je disais inégal, c'est plus par rapport à des séquences que j'ai trouvées moins rythmées. J'ai trouvé parfois un peu trop longues certaines scènes. J'ai trouvé aussi qu'il y avait parfois, c'était un peu trop caricatural ou un peu trop grivois, voilà, dans certaines scénettes, on va dire. Après, globalement, c'est plutôt un sentiment assez positif, hein, quand même, sur cette pièce. Voilà. Faïza, donc, j'ai donc vu Les Armoires Normandes, qui est un spectacle surprenant, décalé, déjanté. Moi, je dirais que la présentation qui nous avait été faite lors de un lundi soir par la troupe des Armoires Normandes m'a été utile, en fait, parce que je pense que je n'aurais pas eu le même regard si je n'avais pas eu cette mise en perspective de la manière dont ils travaillaient et ce qu'ils cherchaient à faire. Donc par rapport à une personne qui m'a accompagnée et qui n'avait pas eu cette explication, je trouve que moi j'ai été un petit peu favorisée dans le sens où j'avais une explication de la manière dont ils travaillaient. Je savais que j'allais être surprise et j'ai été étonnamment surprise. J'ai retrouvé des choses sur lesquelles on avait travaillé et j'ai trouvé ça très positif. Et j'en suis sortie très enjouée et agréablement surprise par la mise en scène que j'ai trouvée rythmée, que j'ai trouvée variée. Voilà, il y avait des scènes du quotidien, il y avait des choses que j'ai retrouvées dans ce dont ils nous parlaient et moi j'ai adoré. Marie-Stéphane, c'est-à-dire que les Chiens de Navarre, c'est vrai que c'est des chiens fous, alors ils se lâchent sur le plateau avec beaucoup de joie, c'est très contagieux. Et puis Les Armoires Normandes, le titre est bien trouvé parce que c'est pour moi c'est ces grandes armoires de grand-mère où il y a tout plein de choses, on en oublie ce qu'on y a mis. Et effectivement, ils ont dans cette construction qui est faite qu'avec des improvisations, je suis retournée les voir au Bouffe du Nord, j'ai vu une autre pièce. Parce qu'effectivement, c'est ça qui est formidable, on peut la voir plusieurs fois, il y a d'autres dialogues, d'autres... Bon, il y a une trame, mais effectivement, ils rebondissent avec beaucoup de vivacité. Et puis, c'est un peu ce qu'on fait avec Jean-Paul Rouvray, nous, dans notre cours de théâtre, cette improvisation. Et en fait, la scène la plus olé olé, c'est celle du mariage où la mariée, ils mettent des ballons sur ses fesses et ils éclatent les ballons sur ses fesses. Et là, la fiction dépasse la réalité plutôt dépasse la fiction, puisqu'ils ont pompé ça sur quelque chose qu'ils ont vu pour faire un mariage amusant. N'hésitez pas à faire ce sketch-là. Donc, ils sont généreux, vraiment. C'est fait de briques et de broc, mais ça roule bien. On est emporté dans leur joie de jouer, quoi. C'est ça. C'est vraiment contagieux et c'est très agréable. Bonjour, je suis Karine. Alors, moi, j'ai approché un petit peu les Chiens de Navarre lors d'un atelier qu'ils avaient animé un samedi après-midi. Et j'ai pu voir un petit peu la difficulté de l'improvisation dans les situations très simples de la vie quotidienne où on attend en fait l'inattendu et les chutes entre le fil qui se déroule jusqu'à la chute de l'inattendu où on ne s'attend pas à ce qui va arriver. Et je pense que tout le jeu des Chiens de Navarre se situe à ce niveau-là où ça va basculer. Et c'est un peu un jeu de rôle un peu d'équilibriste. Il y a une notion de rythme, c'est assez mouvementé, saccadé, et puis d'un seul coup, pouf, ça ralentit. Donc on nous emmène un petit peu dans différents recoins, mais dans des scènes très, très simples, finalement, de la vie quotidienne. Et c'est en ça, je pense que c'est extrêmement marrant, étonnant, dans le sens où on se projette tous à un moment donné dans ces scènes-là, et d'un seul coup, on est en décalage. Et c'est ce décalage qui fait, à mon sens, toute la surprise.